Isanganiro. Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. À peu près 900 élèves rapatriés en provenance du Rwanda et originaires de la province de Kirundo n'ont pas pu continuer à réintégrer l'école suite à la langue d'enseignement du pays d'accueil. OHCR Burundi, on promet de résoudre la question progressivement en collaboration avec l'administration. Et le parti Ranak souhaite une composition inclusive de la Commission électorale nationale indépendante pour les prochaines élections. Aujourd'hui, ils ont procédé à une auto-évaluation de celles qui ont eu lieu en 2020. Une trentaine d'agents recenseurs de caféiers de la commune Bouguenouzi en province Karouzi étaient interpellés ce vendredi par le responsable du parquet de Karouzi. Ils sont accusés de confiscation du matériel de l'Istebo qui leur a donné ce travail de recensement. Vous l'entendrez et à la fin de ce journal, vous aurez aussi droit à la revue de presse. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. À peu près 900 élèves rapatriés en provenance du Rwanda et originaires de la province de Kirundo n'ont pas pu réintégrer l'école suite à la langue d'enseignement du pays d'accueil, différente de celle de leur pays d'origine. Et c'est une préoccupation du gouverneur de cette province, Albert Hatungimana, lors du lancement officiel ce vendredi du plan conjoint de retour des réfugiés et de la réintégration des rapatriés 2021. La représentante adjointe du HCR au Burundi a reconnu cette problématique et a promis sa résolution progressive en collaboration avec l'administration. Les détails avec Vestine Boutoy. Après le lancement officiel du plan conjoint de retour des réfugiés et de réintégration des rapatriés 2021, la représentante adjointe du HCR au Burundi a présenté le contenu de ce plan dans lequel figure la réintégration scolaire des élèves rapatriés. Cependant, le gouverneur de la province Kirundo, Albert Hatungimana, a évoqué sa préoccupation spécifique à la dite province relative à la réintégration scolaire des élèves rapatriés en provenance des pays anglophones. Il a donné l'exemple d'à peu près 900 élèves rapatriés en provenance du Rwanda qui n'ont pas pu s'intégrer dans le système éducatif burundais au cours de cette année scolaire à cause de sa langue d'enseignement différente de celle du pays d'où ils venaient. Nous avons un problème d'intégration au niveau de l'éducation, l'adaptation au système éducatif burundais, où au Burundi, on utilise le français comme langue d'enseignement et au Rwanda, ils utilisaient l'anglais. À Kirundo, pour le moment, depuis août, nous avons enregistré 900 enfants qui ne se sont pas pu s'adapter au système éducatif burundais. La représentante adjointe du HCR au Burundi, Brigitte Hénon, reconnaît ce problème et fait savoir que les élèves rapatriés en provenance du Rwanda sont évalués à travers les tests pour pouvoir identifier le niveau de classe qui leur convient. Pour le moment, ce problème n'existe que pour les réfugiés qui reviennent des pays anglophones. Ceux qui reviennent du Rwanda, qui étaient dans le système anglophone, ils réintègrent directement dans le système burundais en faisant l'équivalence des diplômes et aussi des examens pour les enfants pour évaluer dans quel niveau de classe on peut les intégrer. Donc c'est déjà en cours en faisant l'équivalence des diplômes et aussi des examens intégrés. Nous allons continuer la discussion avec les autorités provinciales pour leur prise en charge effective et les accompagner dans leur intégration dans le système burundais. Le gouverneur de la province Kirundo, Albert Hatungimana, a enfin plaidé pour la prise en charge de ses élèves rapatriés afin qu'ils puissent continuer avec les études universitaires sur l'université communautaire édifiée dans cette province, étant donné que la province Kirundo comptait peu d'intellectuels ayant un niveau universitaire. Merci Vestine. Et la Commission électorale nationale indépendante devrait être composée par des membres de différents partis politiques légitimes pour la diversité des idées. Dans un atelier d'auto-évaluation sur les élections de 2020, le président du parti Ranak, Aloïse Barichako, a dit que cela va donner des résultats inclusifs. Suivez-le au micro de Lydie Gahimbari. Non, nous ne pouvons pas être satisfaits parce que le parti est satisfait quand il a gagné des élections, c'est-à-dire quand il a remporté les élections présidentielles, les élections législatives et les élections communales. Et nous ne sommes pas du tout contents, nous ne sommes pas satisfaits, d'autant plus que je dirais que le parti d'Anak était dans la coalition Kirabourundi. La coalition Kirabourundi a vu toutes les listes jetées par la commission électorale indépendante, à commencer par le candidat président, les listes législatives, candidats députés ont été exclus des élections. Les candidats conseillers communaux aussi ont été exclus des élections. Donc, nous pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Mais quand même, nous continuons à faire la politique parce qu'une défaite ne signifie pas abandonner la guerre. La CENI vient de présenter le rapport des élections de 2020. Et vous êtes... Oui, la CENI a présenté le rapport, c'est normal parce que la loi l'oblige. Et puis, la CENI ne pouvait pas dire que les choses ne sont pas bien parce qu'il y a des institutions, mais quand même, il faut se dire qu'il y a eu des entorses parce que vous savez qu'il y a des groupes de gens qui ont été exclus des élections. C'est normal. Et nous ne sommes pas satisfaits du tout de la composition de la CENI parce que dans la CENI, il y a ceux qui se réclament de la société civile, alors que finalement, ils appartiennent à des partis politiques. Le parti Lanaque recommanderait que la prochaine CENI soit composée des personnes qui proviennent de plusieurs tendances politiques, des partis qui soutiennent le parti au pouvoir et d'autres partis qui ne soutiennent pas le parti au pouvoir, c'est normal. Avec cela, nous comptons que des idées divergentes de la CENI peuvent arriver à ce que la CENI organise des élections et qui inclut tout le monde. Aloïse Varichako, c'est le président du parti RANAC. Les agriculteurs sont appelés à semer avant la fin de la saison pluvieuse pour avoir une bonne production agricole et de cultiver les cultures à cycle végétatif court. Propos d'Isaac Nzitunga, conseiller technique chargé du domaine agricole et sécurité alimentaire au ministère ayant dans ses attributions l'agriculture. Il l'a dit ce vendredi après une présentation par l'Institut géographique du Burundi des prévisions saisonnières de mars à mai 2021. Suivez Isaac Nzitunga. On voit que la saison pluvieuse d'Obé, comme on appelle Mèche, a commencé. La saison a commencé avec mi-février. Donc, pour ces agriculteurs qui n'ont pas encore semé jusqu'à présent, nous les exhortons de le faire rapidement. Même si on a observé un chevauchement entre les saisons, ça veut dire la saison qui vient de s'écouler parce qu'elle a été débutée avec un retard. Et on voit qu'il y a des champs qui contiennent encore du maïs. Ils peuvent rabourer entre les cultures de maïs et commencer à semer le haricot. C'est possible. Les principales cultures de la saison, c'est le haricot, le soja, petit pois, pommes de terre, légumes, patates douces. À côté, d'autres cultures installées en saison A, mais qui continue à végéter. Le constat, il y a eu un chevauchement de saison. La saison précédente est celle dans laquelle on est. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un retard. La saison pluvieuse a débuté vers le mois de novembre. Ce qui justifie ce chevauchement entre les saisons, les gens qui vont prendre un retard d'arrosémie s'exposent à ce risque que les cultures ne puissent pas mûrir correctement. Et comme conseil, personne ne devrait semer au-delà du 15 mars. Il faut que les agriculteurs se pressent pour qu'ils terminent le semis avant le 15 mars. On voit qu'il nous reste peu de mois avant la fin des pluies prévues à mi-mai. Pour les gens qui n'ont pas encore semé, c'est mieux de se tourner vers les cultures à cycle végétatif et court. C'était Isaac Nzitunga, il est conseiller technique en charge du domaine de l'agriculture et sécurité alimentaire au ministère de l'Agriculture. Isanganiro. Nouvelle des Provence à présent, 33 agents recenseurs de caféiers de la commune de Bouguenouzi en province Karouzi étaient interpellés ce vendredi par le responsable du parquet de Karouzi, accusé de confiscation du matériel de l'Istebou qui leur a donné ce travail de recensement. Ces personnes expliquent avoir refusé de remettre les téléphones smartphones. Qu'ils utilisaient parce qu'ils n'ont pas été payés. Dans une réunion avec le procureur, et le responsable provincial de l'Istebou, ils se sont convenus qu'il y aura vérification du travail fait par ces agents et que la direction générale s'engagera pour la réhabilitation de ces agents recenseurs qui devront aussi remettre ces smartphones à l'Istebou. Blaise Pascal Kararoumi. Comme l'indique la circulaire de la Direction générale de l'Istebou, une circulaire de ce 15 février, ces 33 agents recenseurs des caféiers et caféiculture de la commune de Bouguenouzi en province Karoussi sont accusés de confisquer et avoir refusé de remettre les smartphones de l'Istebou. Ce sont des smartphones que l'Istebu leur avait confiés pour le travail de recensement au mois de décembre dernier. Ces personnes acceptent qu'ils détiennent ces smartphones de l'Istebu et expliquent que l'Istebu a refusé de leur payer une partie de ce travail. C'est ainsi que le procureur de la République de Karoussi les a convoqués pour interrogatoire, comme il l'explique. Dans une réunion de ce vendredi, le procureur de la République, François Harelimana, avec le responsable de l'Istebu à Karoussi, ils ont écouté tous les 33 agents recenseurs et se sont convenus que dans les meilleurs délais, ils vont mettre à jour le travail de chacun et qu'en collaboration avec la direction générale de l'Istebu, le responsable de l'Istebu va communiquer à chacun d'eux le travail qu'il a exécuté. Ils se sont ainsi entendus que la direction générale pourra s'engager pour le paiement d'une partie de ce travail et que ces derniers vont remettre les smartphones de l'Istebu après avoir eu l'engagement de paiement d'une partie du travail exécuté. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Et les individus et sociétés qui n'auront pas répondu à l'appel de pavage ou de cimenter l'espace situé entre les routes principales et les clôtures de leur maison à partir du 15 mars se verront taxés d'une amende. Propos de l'administrateur de la commune Ngozi qui dit que le délai de 4 mois donné aux concernés est suffisant. Joseph Martin Routchoumi lance un appel aux responsables de certains services publics qui font la sourde oreille à cette activité visant la propriété de la ville d'Ngozi. Apollinaire Muzagara. Cet appel de l'administrateur de la commune Ngozi de paver ou cimenter les espaces situés entre les routes principales traversant la ville et les clôtures des maisons a été lancé depuis mi-décembre 2020. Selon Joseph Martin Muchumi, le délai accordé aux propriétaires de ces parcelles prend fin le 15 mars prochain. L'administrateur de la commune Ngozi remercie vivement ceux qui ont déjà répondu à cet appel, principalement les privés, les banques et autres. Il déplore néanmoins la lenteur affichée par certains services publics alors qu'il ne restait que 2 semaines. Parmi ces derniers figurent le tribunal de grande instance d'Ngozi, le bureau provincial de la santé, le camp militaire et autres. Cette autorité communale prévient que, à partir de cette date, une amende sera infligée à tout récalcitre. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et en actualité internationale, au Nigeria, les 42 personnes dont 27 enfants enlevés il y a 10 jours dans une école ont été libérées. Élèves, professeurs et leurs proches du collège des sciences de Kagara ont retrouvé la liberté, ont été reçus par le gouvernement local. Comme l'a annoncé sur Twitter ce samedi 27 février, Aboubakar Sani Bello, le gouverneur de l'État du Niger, c'est dans le centre-ouest du Nigeria. Et le président du Parlement libyen a déclaré vouloir un gouvernement constitué de personnes compétentes, de bonne réputation, intègres de tout le pays. Le nouveau gouvernement libyen devra représenter toutes les régions du pays et c'est par ces mots que le président du Parlement libyen, Aguirre Saleh, a appelé le Premier ministre par intérim Abdelhamid Delba à chercher le consensus en déplacement à Rabat. Aguirre Saleh, homme politique majeur du camp de l'Est libyen, a rappelé que le gouvernement doit encore approuver dans la constitution de ce gouvernement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle les grands titres avant la revue de presse. 33 agents recenseurs de caféiers de la commune Wouguignouzi en province Karoussi ont été interpellés ce vendredi par le responsable du parquet de Karoussi. Ils sont accusés de confiscation du matériel de l'Istebu qui leur a donné ce travail de recensement. Et le parti Ranak souhaite une composition inclusive de la commission électorale nationale indépendante pour les prochaines élections. Aujourd'hui, ils ont procédé à une auto-évaluation de celles qui ont eu lieu en 2020. Et à peu près 900 élèves rapatriés en provenance du Rwanda et originaires de la province de Kirundo n'ont pas pu continuer à réintégrer l'école suite à la langue d'enseignement du pays d'accueil. OHCR Burundi, on promet de résoudre la question progressivement en collaboration avec l'administration. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et c'est Albert Ndouayo qui est toujours à la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana. Je suis toujours avec vous. Eline Bell Nibigila me rejoint dans ce studio pour la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Où sont passées les valeurs morales et humaines, l'Ubuntu, chantées par les Burundais à longueur de journée, s'interroge le journal Iwacu dans son éditorial cette semaine. Quand on constate que depuis un certain temps, avoir accès aux chambres froides dans les hôpitaux publics de Bujumbura relève d'un parcours du combattant à cause d'un odieux trafic fait par des patrons d'entreprises de pompes funèbres en complicité avec des agents préposés à la gestion des morgues dans les hôpitaux publics pour avoir une place. Certes, les services des pompes funèbres sont nécessaires, reconnaît l'éditorialiste du journal Iwacu. Cependant, son confrère estime que ce business de la mort doit s'exercer dans le respect de la loi, rappelle dans le même temps que les hôpitaux publics fonctionnent avec nos impôts. Iwacu de conclure qu'il est d'une impérieuse nécessité pour le gouvernement de veiller à ce que de tels scandales ne se reproduisent plus, en mettant un accent particulier sur le contrôle des opérateurs économiques qui veulent faire main basse dans l'exploitation des services publics jusque dans la mort. L'agence burundaise de presse rapporte que l'Office burundais pour la protection de l'environnement a remis mercredi 24 février dans les eaux de la rivière Rusizi trois crocodiles qui étaient élevés par une personne qui habite le quartier Kabondo de la commune urbaine de Mukaza. D'après son quotidien, citant toujours cette autorité du ministère de l'Environnement, depuis 2019, on a déjà remis dans les eaux de la rivière Rusizi autour de 40 crocodiles, la plupart ayant été retrouvés en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. La stabulation permanente devra entrer en vigueur au mois d'octobre prochain. C'est ce que rappelle le colonel Gassanzo Gaspar, gouverneur de la province Mwaro, après celui de Bururi, le colonel Leonidas Bandenzamaso, tel que rapporté par la Nova. Ce journal en ligne précise que tous ont une même explication, mettre en application une loi déjà promulguée. Et le collectif des blogueurs Yaga écrit sur les traces de Madodo, les vaches qui labourent. Elles ont été introduites au Burundi les années 1990 par la compagnie de gérance du coton dans le but d'accroître la production cotonnière d'après les enquêtes menées par le blogueur. Selon Yaga, c'est regrettable que ce projet se soit arrêté alors qu'il était d'une importance capitale pour les agriculteurs de Limbo. Il était à la fois écologique, économiquement très rentable et socialement très utile car il allégeait substantiellement les travaux champêtres et ménagers, conclut notre confrère. Revue de la presse. Examen en réseau, le lycée du Saint-Esprit y décèle trop de défis, écrit la voix de l'enseignant. D'après le recteur de cet établissement qui a tenu à le dire en Assemblée générale des parents d'élèves de dimanche 20 février 2021, c'est notamment le passage d'un même examen pour les élèves qui n'ont pas le même niveau, la conservation et la sécurité de l'examen, un examen facile ou difficile, un désintéressement de suivre les cours pour les écoles performantes, etc. Il demande une interprétation rationnelle de l'ordonnance instituant l'examen. Fermeture de MSF, Arche de Kigobe, peur chez le petit peuple, écrit Jimbere. À partir du 28 février, les portes de Médecins sans frontières, branche de Kigobe, sont verrouillées par Cadena, prévient notre confrère, expliquant que les prestataires de leurs services seront orientés à l'hôpital Prince Régent Charles pour des soins appuyés gratuitement par l'ONG, mais seulement pour 10 mois. Docteur Hippolyte Mboma, coordinateur du centre médical de MSF à Kigobe, fait savoir que l'on avait implanté ce projet pour traiter les patients victimes des traumatismes liés aux violences en période de troubles, rapporte Jimbere, citant ce responsable qui affirme que le centre a déjà pris en charge gratuitement plus de 70 000 patients entre 2015 et 2020. Cependant, plus d'un se questionne sur les retombées de la fermeture de ce centre, grogne la population qui doute de la capacité de paiement des soins médicaux pour les traumatisés et les blessés suite aux accidents de roulage. Enfin, exploitation des terres rares, 3 ans après, quel bilan ? S'interroge Burundi Echo, qui constate que la production est de loin inférieure aux prévisions. D'après ce journal spécialisé dans les questions économiques, l'objectif était d'extraire au moins 5000 tonnes de terres rares par an sur les collines de Mutambu à Gakara, mais Rainbow Mining n'exporte que moins de 1000 tonnes par an. Certes, l'exploitation des mines contribue au développement du pays, mais il faut consentir des efforts supplémentaires pour une gestion durable de cette manne, propose notre confrère. Et c'est la fin de cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana et Eline Bel-Nibigira. Très bon week-end à tous. À la prochaine. Revue de la presse.